Que c'est bête, une chanson d'amour, c'est presque rien. Ça tient en quelques mots sur un refrain. Une note qui chante un peu trop bien. On s'aime pour toujours, tu le sais bien. Pour toujours, tu le sais bien. Que c'est belle, une chanson d'amour qui vous retient. Attaché à quelqu'un comme un chien. Pour un peu que ça danse, on danse bien. Mais on dirait qu'il pleut, non, ce n'est rien. Qu'il pleut, non, ce n'est rien. Rien. Que c'est belle, une chanson d'amour qui vous revient. D'un passé qu'on croyait un peu plus loin. On revoit la maison et le jardin. Mon amour, souviens-toi le mois de juin. Mon amour, le mois de juin. Que c'est bête, une chanson d'amour, à quoi ça tient? À demi-mot, on se dit, ça n'est rien. On sait bien que la vie, ça va, ça vient. Mais d'où vient cette larme sur ma main? Cette larme sur ma main. Que c'est bête, une chanson d'amour. Dans un jardin, il est tard, mon chéri, mon amour, viens, viens.